lecture simple sur CKRL 89.1. On vient de parler de pression et de ville avec Dominique Boudreau. On va rester dans un univers où la pression est de première importance, la plongée. Alors, on ne va pas s'intéresser spécifiquement à la pression physique que doivent surmonter les plongeurs, mais plutôt à la pression psychologique ou plus généralement à la psychologie des plongeurs. Est-ce que les plongeurs ont le même profil psychologique que la population générale? Des chercheurs espagnols se sont penchés sur cette question et Camille Villefebvre, qui pratique elle-même de la plongée, nous donne le résultat de cette étude. Bonjour Camille. Bonjour François. Oui, mais avant de me lancer par contre dans la découverte de ces chercheurs espagnols, j'aimerais expliquer à nos auditeurs les différents types de plongée pour mieux comprendre ce qui va suivre. Tout à fait. Donc grossièrement, on peut diviser la plongée en quatre grandes branches. La plongée récréative, où la profondeur maximale atteinte est de 40 mètres et qui ne demandera donc pas de palier de décompression. C'est le type de plongée le plus accessible que les gens vont pratiquer habituellement en voyage. Ensuite vient la plongée technique qui, elle, va demander des mélanges d'air spécialisés ainsi que des paliers de décompression puisqu'elle est plus profonde. Okay. Principalement, elle va être utilisée pour la plongée sur épave ou en grotte, par exemple. Puis vient la plongée commerciale avec laquelle on obtient un revenu. On peut penser ici aux scaphandriers, par exemple. Et puis, la plongée professionnelle, telle que les plongeurs militaires. Et avec tous ces types de plongées, est-ce que les conditions sous l'eau sont comparables d'une plongée à l'autre ou ça varie? Non, pas du tout. Ça va varier, en fait, et grandement. En ce qui concerne la plongée récréative, on va habituellement la pratiquer lorsque les conditions sont bonnes. Donc, une visibilité sous l'eau qui est d'une trentaine de mètres, voire même à un mètre. On va considérer ça comme étant de bonnes conditions. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec le micro. Et aussi, lorsque les courants ne sont pas trop forts. Dans le cas de la plongée technique, c'est sensiblement la même chose, excepté que les conditions peuvent être un peu plus ardues, principalement au niveau de la visibilité, comme lorsqu'on va plonger sur des épaves, par exemple. Souvent, ça va faire lever les sédiments. Mais les plongeurs vont être équipés d'outils spécialisés, tels qu'une ligne de vie. Et ces outils-là vont être au rendez-vous afin d'assurer la protection des plongeurs. La plongée commerciales et professionnelles se situent dans une toute autre catégorie. Elles s'en font dans tous les types d'environnement. Donc, lorsqu'il va y avoir un écoulement de pétrole au large, par exemple, c'est les plongeurs commerciales qui vont devoir aller réparer les bris. Donc, on s'imagine ici que la visibilité est tout à fait nulle. Mm-hmm. Puis aussi, ces plongeurs-là vont plonger aussi dans des conditions telles que dans la boue ou dans la noirceur totale, et ce, pendant plusieurs heures. Les équipements utilisés sont d'ailleurs très différents de ceux de la plongée récréative et technique. Alors, il y a deux univers différents, la plongée commerciale ou professionnelle et la plongée récréative ou technique. Oui, tout à fait. Et n'oublions pas que dans tous les cas, il faut également que le corps s'adapte au changement de pression sous l'eau en fonction de la profondeur, évidemment. Bon, alors pour en revenir à notre étude, elle s'est déroulée en Espagne en 2015, donc il y a à peine 2 ans, et a été réalisée auprès de 649 futurs plongeurs militaires. Donc ici, on parle de plongée professionnelle. Le chercheur M. Colodro Plaza et son équipe ont étudié l'influence des différences individuelles dans l'adaptation à un environnement extrême et hostile. Dans le centre de plongée espagnol de la marine, une batterie de tests psychologiques a été appliquée aux candidats qui aspiraient assister à des cours de plongée. Des variables telles que les facteurs intellectuels, de personnalité et d'anxiété ont été étudiées afin que, ainsi aussi que les variables démographiques et professionnelles pour comprendre les caractéristiques de l'échantillon. Donc, l'équipe de chercheurs s'attardait plus spécifiquement à déterminer si les caractéristiques psychologiques des plongeurs diffèrent de celles de la population en général, également à vérifier les différences psychologiques individuelles entre les candidats, donc ceux qui réussissaient à s'adapter aux exigences et ceux qui échouaient les tests, en fait, puis aussi de vérifier à l'intérieur de la cohorte qui réussissait les examens, ceux qui obtenaient de meilleurs résultats, est-ce qu'il y avait des caractéristiques différentes au niveau des traits de la personnalité ou de l'intelligence que ceux qui obtenaient des performances un peu plus faibles? Donc, les chercheurs ont passé différents types de tests reconnus en science pour évaluer la personnalité des plongeurs, leur niveau d'anxiété et leur intelligence. Est-ce qu'ils ont observé des résultats intéressants à l'intérieur de l'échantillon ou même avec la population? En effet, les résultats sont très intéressants. Ils ont indiqué de façon significative que les plongeurs, en tant que groupe, sont intellectuellement plus brillants, émotionnellement plus stables, ils sont plus impulsifs, ils sont plus conformistes et plus attentifs aux règles. Ils sont également plus audacieux, moins sensibles sur le plan émotionnel, plus sûrs d'eux et plus en contrôle d'eux-mêmes. Ils sont également moins tendus que l'espagnol moyen adulte. Donc, il faut se rappeler là, que le groupe cible, c'était des plongeurs militaires espagnols. C'est ça. Donc, les résultats concordaient avec d'autres études ultérieures qui ont été menées auprès de plongeurs australiens, britanniques et sud-africains. D'ailleurs, au sein de l'échantillon, les plongeurs militaires qui ont réussi les tests, comparativement à ceux qui ont échoué le cours, présentaient globalement ces mêmes caractéristiques, puis il en était de même pour les meilleurs élèves de la cohorte, donc de l'échantillon, en comparaison avec ceux qui avaient moins bien performé. Donc, ce qui répondait... c'est ça, ceux qui avaient moins bien performé, mais qui répondaient tout de même aux exigences et qui étaient devenus des plongeurs militaires. Mm-hmm. Il y a certains éléments surprenants dans ces résultats. On s'attend bien à ce que les plongeurs soient des gens audacieux et plus stables émotionnellement, mais je suis assez surpris qu'ils soient plus impulsifs. Quelle utilité peut-on attribuer à ce type de recherche? Mais en fait, il faut comprendre que c'est assez dispendieux de former un militaire spécialisé en plongée sous-marine et l'équipement aussi qui est utilisé est extrêmement dispendieuse. Donc, il y a beaucoup de risques et de dangers associés à cette profession. Il travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, il est avancé par les chercheurs qu'avec l'aide des tests d'intelligence, d'anxiété, de personnalité qu'ils ont utilisé, il serait possible de déterminer à l'avance quels candidats seraient les plus prédisposés pour réussir le cours. Donc, ici, on parle d'économie d'argent. On pourrait déjà cibler là, les candidats potentiels à bien réussir le cours, mais aussi les mieux placés à s'adapter rapidement et efficacement à un environnement subaquatique. Donc, on parle ici de conditions extrêmes et hostiles. Donc, il serait possible de voir quelle personne a la capacité d'effectuer des actions utiles sous l'eau pour surmonter les situations risquées et les événements extrêmes qui se produisent souvent dans les cas de la plongée professionnelle. Effectivement, avant d'engager des dépenses pour former un plongeur, c'est peut-être bien de voir si là, le profil psychologique qui se prête à cette activité. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup Camille. Nous allons faire une courte pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de la domestication du chien.